Inye kutinda ngana boya yo Yesu. Oh, ona landa yo, ona wo, mengo te, pena landa yo pona bo, suite. Tu m'as toujours été fidèle, et tu ne m'abandonneras jamais, je sais. Moi, je confesse que tu me gardes. Tu es le creux du rocher qui me cache. Banayo elonga mote manangai talatina ngai nakangami nayo talana simate. Dieu est Dieu qui trace le parcours de la vie d'un homme. Yondo trace un cas parcours la vie à mote nzambe. Mon qu'il y a le bien dit à point. Ma vie à mon ingala et mon tour. On a sépéli. Après un point, le mot qui arrive, le mot qui vient commence par la lettre majuscule. C'est-à-dire, c'est l'élévation, c'est la grandeur qui vient. Merci Seigneur. De mon corps, quand tu commis bien ma jefté, Koloba, il l'ouvrira. Atambonga, atata. Le banayonde et la kisakane, la tika koyo kabelo bite. Exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée. Je n'oublie point ta loi. Les méchants me tendent des pièges. Je ne me garde pas loin de tes ordonnances. Gracias.